Allô? Dans Canivette, hein, de la mairie? Oui, la mairie, oui. Mais de la mairie, à qu'est-ce que c'est? Comment? À qui devons un commissaire de Ventcousquette? On a Gousquette? C'est. Ya, qui est rentré en Kerzigirek? Qui est rentré en Kerzigirek? Ya. Den Petersdek? Den Petersdek? Et compris l'enquête? Quand j'ai gagné? Ya. Tu payes ton steak? Je paye mon steak? Compris l'enquête? Den Petersdek de Demoal? Hein? Ya. Den dans la baguette, elle peut être plus du bec. Braguette, une poète-poète. Qui paie ton steak ou ta braguette et puis du bec, poète-poète. Allô? Oui? Oui, bonjour, madame. Bon. Monsieur Ledoux, à l'appareil, vous étiez avec mon papa, là. Et vous comprenez pas bien ce qu'il disait, apparemment, il me faisait des signes désespérés. Ben non, on parle pas le même breton du tout, hein. Ah, voilà. Non, j'ai compris, tu payes ton steak, alors j'ai... Ah non, tu payes ton steak, oui, ça veut dire pour les logements foyers, oui. Oh là là, alors on était loin d'être sur la même longueur d'onde, alors, hein. Attendez, je vous le repasse, hein. Non, non, ne me le repassez pas, parce que je ne comprends pas ce qu'il dit, hein. Essayez de parler doucement, parce qu'apparemment, c'est pas le même... Non, qu'il parle en français, à ce moment-là, mais moi, je... C'est pas la peine, hein, vous me dites qu'est-ce qu'il veut. S'il veut une place au logement foyer, à ce moment-là, il faudra qu'il téléphone au logement foyer. Vous m'entendez? Oui. Non, il parle pas français, c'est-à-dire, il est sourd et muet, hein. Ah, d'accord. Il est sourd et muet, vous me dites qu'il est sourd et muet, il entend et il parle. Ah bah oui. Ben alors il n'est pas sourd et muet quand même. Ah si, il n'entend pas le français. Il n'entend pas le français. Je vous le repasse, hein. Mais non, ne le repassez pas parce que ça m'avancera à rien, hein. Son fils me dit qu'il est sourd et muet. Oui, il s'entend. Ya. Ya. Mais ta casquette. Mets ma casquette. Ya, mets ta casquette si t'as pas ta gopette. Foyer logement. Ya, et la bistouquette. La bistouquette, qui est nous que la bistouquette. Ya. Ya. C'est celui qui peut qui pète. Qui veut qui pète. Ya. C'est celui qui peut qui pète. Ya. Y a les mouettes qui pètent. Les mouettes qui pètent. N'importe quoi. Allô. Vous l'avez eu, là, mon père, non? Ben oui, mais écoutez, je ne comprends pas les trois quarts de ce qu'il dit, là, hein. S'il veut rentrer au foyer logement de Cascrignac, il faudrait qu'il écrive au foyer logement, hein. Mais je comprends pas ce qu'il dit, parce que il a l'air de sortir des drôles de choses, là, quelquefois, hein. Qu'est-ce qu'il dit? Parce que ben... moi, je vais vous traduire ça, moi, de toute façon, moi, j'ai un doctorat, hein, je suis à l'université de Rennes, hein. Ouais, mais il y a les mouettes qui pètent, et puis... Il ouais. Y a quoi? Il y a les mouettes qui pètent. Oui, ça veut dire le numéro du code postal. Le numéro du code postal. Ah ben, donc, il faut deviner, hein. Bon, ben, vous lui dites 22-310, alors. Qu'est-ce qu'il a dit d'autre? Alors, tu payes ton steak. Alors, tu payes ton steak. Ça veut dire à quel nom il doit l'envoyer? Logement foyer. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'il a dit d'autre, alors? Tu pues, tu pètes, les mouettes qui puent, qui pètent, et puis... Attendez, tu quoi? Tu pues, tu pètes. Ah, tu pues, tu pètes. Mmh. Ah, voilà, c'est ça. Ah oui, d'accord. Il demandait si ça veut dire si... Est-ce qu'il faut affranchir l'enveloppe? Ben oui, bien sûr qu'il faut affranchir l'enveloppe. Tu pues, tu pètes, dans la couchette. Ah, y'a... Tu pues, tu pètes. Oui. À combien? 2 francs 50.